بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On était arrivé à la parole de l'imam Ibn Baz rahimahullah lorsqu'il a cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Dis, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que tous ceux qui m'ont suivi. Subhanallah, gloire à Allah, et je ne fais pas partie des polythéistes. On avait dit que, notamment, il y a dans les leçons qu'on peut tirer de ce verset, l'obligation de suivre les compagnons. L'obligation de suivre les compagnons. Qui peut me rappeler où on tire cette obligation de ce verset? C'est-à-dire les compagnons qui le suivent dans la droiture. Mais où est-ce que tu vois qu'ici il est obligatoire de suivre les compagnons? On avait rajouté un autre verset à côté. Hein? On avait cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il cite les djinns. Les djinns qui ont dit Ya qawmana ajibu da'i Allah. Oh, les nôtres, répondez à celui qui appelle à Allah. On avait vu que toute personne qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle à Allah. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. J'appelle à Allah avec la voyance, moi et ceux qui m'ont suivi. Donc tous ceux qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent à Allah. Les compagnons, ils ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu. Et ça c'est clair pour tout le monde. Et donc vu qu'ils ont suivi le prophète, ils appellent eux aussi à Allah. Et vu qu'ils appellent eux aussi à Allah, il est obligatoire de répondre à leur appel et de les suivre. D'accord ? Il est obligatoire de suivre ceux qui appellent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et qui sont ceux qui appellent à Allah? Eh bien, ce sont les compagnons et tous ceux qui les ont suivis, donc jusqu'à notre génération. Donc on continue inshallah ta'ala. Le cheikh nous dit wa hadha aidan min akhlaqihi alayhi salatu wassalam wa min akhlaqi ahli al-ilm jami'an ahli al-ilm wal-basira أهل العلم والإيمان أهل العلم والتقوى أما أهل العلم من غير تقوى وإيمان فليس لهم حظ في ذلك. Il nous dit donc cela aussi, donc en faisant commentaire sur le verset, il dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, il dit cela aussi fait partie de leur comportement, de son comportement alayhi salatu wassalam, et aussi du comportement des gens de science, des gens de science et de la clairvoyance, des gens de science et de la foi, les gens de science et de la taqwa. En ce qui concerne les gens de science qui n'ont pas de taqwa ni de foi, alors ceux-ci n'ont aucune part dans cela. Et donc ici, le cheikh Ibn Baz rahimahullah, il nous montre qu'il fait partie du bon comportement d'appeler à Allah tabaraka wa ta'ala et de dire aux gens la vérité. Il fait partie du bon comportement parce que souvent, certains donc prédicateurs ou certains étudiants ou certains frères qui ne sont pas forcément étudiants, mais dans leur façon d'appeler les gens à la vérité, ils vont se dire bon, je vais me concentrer sur mon bon comportement, etc. Et on ne va pas aborder les sujets qui fâchent. Alors ça, c'est une personne qui n'a pas compris le comportement. Car il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un bon comportement. Et il appelait Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance. Il a répliqué aux ambiguïtés des polythéistes. Et donc pourquoi est-ce que nous aujourd'hui, on se retrouve devant nos parents, ah je suis gêné de lui parler de tawhid, ah je suis gêné de lui dire qu'il faut qu'il se convertisse à l'islam, ah je suis gêné si, viens je vais le prêcher à l'islam avec le bon comportement. Avec quel bon comportement tu le prêches? D'où tu le prends ton bon comportement? Ton bon comportement tu le prends du Coran et de la Sunna. Ensuite, il continue l'imam Ibn Baz, rahimahullah. لأن أهل العلم من أخلاقهم لأن أهل العلم من أخلاقهم الدعوة إلى الله à la basira, car les gens de science, c'est à partir de leur comportement qu'ils vont appeler à Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance. مع العمل وبيان الحق بأدلته الشرعية قولا وعملا وعقيدة. Et en œuvrant et en expliquant la vérité avec les preuves de la législation, et ceci en utilisant la parole, les œuvres et la croyance. فهم دعاة الخلق وهداتهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بل يبلغون الناس دين الله ويرشدونهم إلى الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ويصبرون على الأذى في جميع الأحوال. Et donc il dit, et donc ces gens-là, les gens de science, ce sont ceux qui appellent les gens qui cherchent à les guider en se basant sur la lumière du livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne vont pas vendre les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala à vil prix. Ils vont transmettre, vendre les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala à vil prix. Ce qui est voulu par là, barakallahu fik, c'est que le savant, il connaît la vérité. Il connaît la vérité, mais pour une raison ou une autre, il va préférer se taire et ne pas dire aux gens la vérité par rapport à un sujet mondain. Le fait que s'il se tait, eh bien, il garde sa place. S'il se tait, c'est lui qui, donc, il a son poste d'imam à la mosquée. S'il se tait, il va avoir son salaire, etc., etc. Et donc, vendre les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala à vil prix, le fait de se taire sur la vérité pour une raison, pour un sujet mondain. Et donc il nous dit, mais au contraire, ils transmettent aux gens la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et les guident vers la vérité, celle avec laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils patientent face aux injustices qu'on leur fait. Ils patientent face aux injustices qu'on leur fait dans toute situation. Dans toute situation. On a déjà vu l'exemple de l'imam Ahmed, rahmahullah. On a vu avant cela l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment ils patientent, comment ils ont patienté dans la difficulté, comment ils ont patienté face aux gens qui ont cherché à ruser contre eux pour les tuer. Tout ça parce qu'ils prêchaient Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci ne les a pas fait se taire. Un frère m'a demandé conseil, oui, mais mon père, quand je lui dis la vérité, il se fâche. Il se fâche. Et alors ? Et alors, on ne t'a pas demandé de tous les jours, chaque jour, etc. Non, mais dis-lui la vérité. Il faut que tu sois là. Et le jour de sa mort, tu vas regretter par la suite. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de faire prévaloir ce point, le fait d'appeler les gens à Allah dans toute situation. « Wabi hadha yu'alam » أن من دعا على جهالة فليس على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وليس على خلق أهل العلم بل هو مجرم. Il dit, et en se basant sur cela, il apparaît clairement que celui qui appelle à Allah tabaraka wa ta'ala sans science, celui qui prêche sans science, n'a pas le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas le comportement des gens de science, mais au contraire, il est un mujrim, un criminel. C'est un criminel dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas comprendre. Ils nous disent, ah mais avec vous, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Et Harry, fais en fonction de tes capacités. Barakallahu fik. Fais en fonction de tes capacités. Il y en a qui vont aller, qui vont prendre des noms, hein, afin qu'on ne les reconnaisse pas. Et ils vont aller nous faire des messages qu'ils publient, qu'ils vont propager publiquement comme ça. Et lorsqu'on explique aux gens qu'ils ne doivent pas faire ça, tu n'as pas étudié, khalik fi baytik. Occupe-toi de ta maison, occupe-toi de ta famille. Tu n'as pas étudié. Ah non, mais vous voulez nous fermer la porte au bien, etc. Mais non, on ne veut pas fermer la porte. On a besoin de renfort. Il n'y a pas suffisamment de toulèbes en France. Il n'y a pas suffisamment d'étudiants. Il n'y a pas suffisamment de prédicateurs. On a besoin de renfort. Mais ce n'est pas parce qu'on a besoin de renfort que ça veut dire que tout le monde doit absolument se lancer dedans. Il faut faire attention. Il est interdit de prêcher sans science. Celui qui le fait, comme il a dit le shir, c'est un moujrim. C'est un moujrim, et il n'a pas le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on a les nombreux sites, ilm shar'i et tout ça, et j'en passe. لأن الله سبحانه جعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك. Car Allah subhanahu, il a fait en sorte que le fait de parler de lui sans science est au-dessus du degré du polythéisme. لما يترتب عليها من الفساد العظيم. À cause de la grande corruption que cela va causer. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dit certes, mon Seigneur a interdit les turpitudes. Les turpitudes, donc les grands péchés, les savants nous disent el qaba'ih, el awa'im, c'est-à-dire vraiment les péchés qui sont fortement blâmables, tels que la fornication, le mensonge, etc., etc. Les péchés que tout le monde va détester. Tous les doués de raison. Et donc dit, mon Seigneur a interdit les turpitudes qui sont apparentes, et qu'elles soient apparentes ou cachées. Ainsi que le péché. Donc on a les turpitudes, et ensuite on a les péchés. La transgression sans droit, le fait de faire injustice aux autres. Et le fait d'accorder quelconque associé à Allah. Le fait d'accorder quelconque associé à Allah alors qu'il n'en a fait descendre aucune preuve. Et le fait de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. Il dit l'imam ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, faja'ala subhanahu al-qawla alayhi bighayri ilm. Et donc, il a placé, Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de parler de lui sans science au plus haut degré des interdictions. Car dans ce verset, il y a le fait, donc c'est le fait d'évoluer du plus bas au plus haut, à ce qui est plus grave. Le fait d'évoluer du moins grave au plus grave. فَانْتَهَا إِلَى الشِّرْكِ ثُمَّ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ. Alors il a fini par le polythéisme, puis le fait de parler d'Allah sans science. وَبِهَذَا يُعْلَمْ خَطَرُ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ. Et c'est à partir de là que nous connaissons, que nous voyons le danger quant au fait de parler d'Allah sans science. وأنه من المنكرات العظيمة والكبائر الخطيرة. Et que cela fait partie des actes blâmables, qui sont fortement blâmables, et qui fait partie des grands péchés très dangereux. لما فيه من العواقب بالسيئة وإدلال الناس. À cause du fait, à cause des grands dangers, à cause des conséquences dangereuses qu'il y a par le fait de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science, et aussi à cause du fait d'égarer les gens. En sachant que, barakallahu fikoum, les frères, il y a divergence entre les ulema sur ce verset. Certains qui disent donc que non, ce verset, il ne cite pas le moins grave au plus grave. Cet avis, le fait de citer le moins grave et le plus grave, c'est aussi l'avis du très savant Ibn al-Qayyim, l'allama Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Et comme vous le voyez ici l'avis de l'imam Ibn Baz, mais ce n'est pas un sujet d'unanimité dans l'explication de ce verset. Mais quoi qu'il en soit, ce verset nous montre clairement l'interdiction et la gravité qu'il y a quant au fait de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala sans science. D'ailleurs, le polythéisme lui-même, Le polythéisme lui-même, c'est une parole d'Allah Ta'ala. C'est le fait de parler d'Allah, excusez-moi, c'est le fait de parler d'Allah Ta'ala sans science. Le fait d'attribuer un égal à Allah alors qu'il n'en a pas. Et donc, ceci est une parole sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Le fait d'accorder un enfant à Allah alors qu'il n'en a pas, ceci est une parole sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science, etc., etc. Et donc, le polythéisme lui-même est une parole sur Allah tabaraka wa ta'ala sans science. Ensuite, il continue l'imam Ibn Ubayz, rahimahullah. Il nous dit « Wa fi ayatin ukhra » من سورة البقرة بين سبحانه أن القول عليه بغير علم مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به. Et dans un autre verset dans sourate al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré que le fait de parler de lui sans science fait partie de ce à quoi appelle le shaitan et de ce que shaitan ordonne. فلا ينبغي لطالب العلم أن يسير في ركاب الشيطان. Et donc il ne convient pas à l'étudiant en science de suivre le shaitan. Allah Jalla wa Ala, il dit dans son livre: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ô homme, mangez de ce qui est licite et bon sur terre, et ne suivez pas les traces du diable. Certes, celui-ci est pour vous un ennemi déclaré. Il ne fait que ordonner au mal et aux turpitudes et au fait de dire d'Allah ce que vous ne savez pas. Il ne fait qu'ordonner au mal et aux turpitudes et au fait que vous ne dites d'Allah. Que vous ne disiez d'Allah ce que vous ne connaissez pas. Ensuite, il dit l'imam Ibn Ubayz, il dit « Unzur ya akhi » Regarde mon frère, regardez la modestie du cheikh. Hein? La modestie du cheikh. Un imam parmi les imams de la sunna, il s'adresse à nous, il s'adresse aux gens qui l'écoutent, aux lecteurs. « Unzur ya akhi » Regarde mon frère. « Ma zakarahu Allahu an hadha al-adou al-mubin » Ce qu'Allah a cité concernant cet ennemi déclaré, et le fait que cet ennemi déclaré, il ordonne au mal, aux turpitudes et au fait de parler d'Allah sans science. Et tout cela parce qu'il sait, c'est-à-dire Shaitan, il connaît le grand danger, le grand mal qu'il y a dans le fait de parler d'Allah subhanahu sans science. لِأَنَّ الْقَائِلَ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ يُحِلُّ الْحَرَامِ وَيُحَرِّمُ الْحَلَالِ وَيَنْهَى عَنِ الْحَقِّ وَيَأْمُرُ بِالْبَاطِلِ لِجَهْلِهِ Car celui qui parle d'Allah sans science va rendre licite l'illicite et interdire ce qui est licite. Il va aussi donc interdire la vérité et ordonner au faux, et tout cela par son ignorance. Comme on l'a vu, barakallahu fikum, tous ces sites-là, qui sont gérés par des personnes inconnues, etc., des personnes qui n'ont pas étudié, qu'est-ce qui s'est passé dans la fitna? La prédication sans science. Sans science, sans connaissance. Ça, c'est un grand danger, barakallahu fikum. Les gens pensent qu'ils ont un bon comportement, hein, parce qu'ils nous disent, nous, on n'a pas insulté les ulémas. On n'a pas insulté les ulémas. Déjà, ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur, parce que les prédicateurs n'ont pas insulté les ulémas. Ça, c'est un mensonge. Ils ont critiqué ceux qui ont dévié. Ils ont critiqué Mohamed Ben Hadi, parce qu'il méritait d'être critiqué. Et il le mérite toujours. Jusqu'à ce qu'il revienne, Inch'Allah Ta'ala. Et donc le fait de dire que ces prédicateurs les ont insultés, ça c'est incorrect. Comme le fait de dire que Ibn Hadi c'est un fasiq, on nous dit ceci est une insulte, on te demande est-ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala il insulte? Est-ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala il insulte? Non, ok d'accord, le terme fasiq il est cité dans le Coran. Concernant celui qui va accuser une musulmane de fornicatrice sans ramener les preuves. Et ça me facile, puis il est cité dans le Coran. Et donc, est-ce que c'est une insulte? Non, ok, barakallahu fik. Ne me dis pas que j'ai insulté qui que ce soit. Et donc, ils vont nous dire, ça, le fait de défendre la vérité, c'est un mauvais comportement. Mais par contre, le silence, mashallah, ça, c'est un bon comportement. Il n'y a qu'à cet humour, les choses ont été inversées. Parce que les gens ne connaissent pas le comportement des prédicateurs. Ils ne connaissent pas le comportement des gens de science. Ils ne connaissent pas le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il finit, l'imam ibn Baz, rahimahullah, enfin, il continue l'imam ibn Baz, mais nous, on va arrêter là pour aujourd'hui. Fal wajibu ala ahli al-ilm wa talabatihi al-hadaru min al-qawli ala Allah bi ghayri ilm wal-inaya bil-adillati shar'iyya hatta yakunu ala ilmin bima yad'una ilayh aw yanhauna an wa hatta la yakunu ala Allah bi ghayri ilm. Et donc il est obligatoire aux gens de science et aux étudiants de se méfier quant au fait de parler d'Allah sans science. Il leur est obligatoire d'accorder de l'importance de faire attention aux preuves de la législation afin de savoir clairement ce à quoi ils appellent et ce qu'ils interdisent et afin de ne pas dire d'Allah ce qu'ils ne savent pas. On va continuer inshallah ta'ala demain avec un sujet al-khashya, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. جزاكم الله خيرا.